ويصبح كافرا يبيع دينه لعرض من الدنيا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique rapporté par l'imam muslim, nous exhorte d'œuvrer. بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. Il nous dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, enfoncez-vous d'œuvrer avant que vous atteigniez les fitanes qui seront plus obscures que les ténèbres de la nuit. Encore plus obscures que les ténèbres de la nuit. Pour nous dire que peu sont les personnes-là qui auront la lumière par laquelle ils se verront s'éclaircir le chemin et la voie droite dans ces moments de fitan dans lesquels on vit. Dans ces moments de fitan dans lesquels on vit. Donc le fait d'œuvrer et d'empresser le pas vers les œuvres as-salihah, les œuvres pieuses, c'est un sabab parmi les asbab, une cause parmi les causes qui vont, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, te préserver de tomber, ou plutôt d'être en plein milieu de ces fitan-là, sans la lumière par laquelle tu pourras trouver l'issue favorable pour en sortir de ces fitan-là. Donc, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, il faut faire preuve de dévotion après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a habitué nos âmes dans ce mois de Ramadan à ce qu'elles fassent preuve de dévotion, à être assidues dans cela, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, afin de se préserver et de se prémunir du mal de cette vie d'ici-bas et de rejoindre les demeures de l'au-delà par le salut et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, ceci était un bref petit conseil, une préface de la révision dans laquelle on va entamer tout de suite, afin, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les œuvres de ce qu'ont pu comporter les paroles qu'on a pu évoquer. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لذلك. Quant au cours de la, ou plutôt le dernier cours dans lequel on s'est arrêté, comme on a pu le voir, c'était la prostration de distraction. La prostration de distraction, on a pu voir que c'était une chose qui incombait à chaque prière de connaître, car il n'est pas d'exemple dans sa prière de se tromper ou bien d'oublier ou bien d'ajouter par inadvertance. Donc il doit connaître ces règles qui sont relatives à ce genre de situation afin qu'il sorte de la salat et que sa prière soit, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, complète. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on a pu l'évoquer, il a dit « Sallu kama ra'aytumuni wa salli » Priez comme vous m'avez vu prier. C'est-à-dire, kazalika, lorsque tu fais une erreur, ou plutôt quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait l'erreur pour la corriger, kazalika, il faut que tu connaisses la voie par laquelle tu peux rectifier les erreurs dans laquelle la personne peut être amenée à faire pendant la prière. Donc on avait pu voir que ce jeu de sahou, c'était, ou plutôt on va poser une question, inchallah, comme à nos habitudes, quel est le jugement de la prostration de distraction? Obligation, non. C'est une obligation parmi les obligations de la prière. Qui se rappelle du dalil qui nous prouve cela? Si vous vous rappelez les hadiths de Ibn Mas'ud dans lesquels un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de se prosterner pour celui qui a oublié dans la prière. قال النبي صلى الله عليه وسلم من زاد في صلاة أو نقص عنها فليسجد سجدتين. نعم. Si un d'entre vous oublie, qu'il se prosterne. Donc il a ordonné, et comme on a pu voir, le premier degré que comporte l'ordre du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est que c'est une obligation à partir du moment qu'il n'y a rien qui dévie cette obligation-là vers une recommandation ou bien vers un pilier et autre. Donc le asl, la base, lorsque Nabi Sallam il ordonne une chose, c'est que cette chose-là, elle est obligée. C'est, donc le jugement de la prostration de distraction, c'est une obligation. C'est obligatoire. Je ne me rappelle plus très bien les choses qu'on a pu évoquer. Lakin, qui se rappelle, ou plutôt déjà, avant de commencer cela, est-ce que se prosterner après le taslim ou avant le taslim, est-ce que tu as le droit de le faire? Il y en a comme tu le veux, c'est-à-dire, si jamais tu as oublié, ou bien si jamais tu as ajouté, ou si tu as eu un doute, et la khairi, est-ce que tu as le droit, si tu veux, de le faire avant le taslim, ou bien après le taslim, ou bien, non, est-ce que ceci est légiféré? C'est légiféré, hein, c'est légiféré. Lakin, c'est préférable, comme on avait pu le voir, de le faire comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Faites, ou priez comme vous m'avez vu prier. C'est-à-dire qu'à l'un cas, lorsqu'il rectifiait ses erreurs et ses oublis dans sa prière, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Qui se rappelle des endroits dans lesquels il faut ramener la prostration de distraction avant le taslim? Dans quel genre de situation il incombe au muslim, ou plutôt il est préférable au muslim, qu'il ramène la prostration de distraction avant le taslim? Dans quel genre de situation? Quand on oublie une obligation ou quand on a un doute. À partir du moment où il a un doute ou bien un oubli. Laquelle, on a pu le voir, cet oubli-là, c'est un oubli dans une obligation. C'est moi qui ai mal lu. Donc, lorsqu'il oublie une obligation, comme ça a été le cas avec Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lorsqu'il a oublié At-Tashahhud, il s'est levé directement et ensuite il a rattrapé, ou plutôt il a comblé ce manquement-là et cet oubli par deux prostrations de distraction qu'il a fait avant le Taslim. Comment ? Kama fi hadith Abdullah ibn Buhayna radiyallahu anhu fi sahih Muslim. Et kadhalika dans le doute. Il y a un hadith qui est venu, hadith, si je me rappelle bien, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel Nabi sallam a dit: Man shaka fi salatihi falyasjud sajdatayn qabla at-Taslim. Yani bil ma'na. Celui qui a eu un doute dans la prière, qu'il ramène deux prostrations de distraction avant le Taslim. Et les autres cas, c'est-à-dire les autres situations, ça se fait après le Taslim. Qui peut nous évoquer quelles sont ces situations dans lesquelles il faut faire sujud as-sahw, la prostration de distraction, après le Taslim? Lorsqu'on fait un ajout. Un ajout, que ce soit dans un pilier, que ce soit dans un coin, kadhalika, que ce soit dans une obligation. Lorsqu'on a une forte présomption, marab. Et lorsqu'on a oublié un pilier. Exactement. Donc trois cas dans lesquels, et trois situations dans lesquelles, si le musulman il est amené à faire face, il doit ramener la prostration de distraction après At-Taslim, qui est, comme on peut voir, un oubli, ou plutôt un ajout, que ce soit dans un pilier ou dans une obligation, force présomption, ou lorsqu'il a oublié un pilier. Et tout cela a été prouvé par la sunna sahiha du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Pour le pilier, de toute façon on va le voir aujourd'hui là. Si jamais il a quoi, il a oublié un pilier. Comme ça a été le cas, on a pu le voir dans le hadith de Abu Huraira, muttafaqun alayhi. On a pu le voir, même. Attends, c'est un petit rappel. Dans lequel, dans le hadith qui est plus connu, sous le nom de Zul Yadayn. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié al-Dhahr de deux rak'ah. Ensuite, ils lui ont dit, s'est-il passé une chose dans la prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, rien ne s'est passé, j'ai ni ajouté, j'ai ni diminué. Ils ont dit, illa, ou plutôt une personne parmi les compagnons a dit, ou bien au contraire, tu as oublié. Et Nabi sallam, il a dit, il est resté sur sa position, il a dit, je n'ai pas oublié. Et ensuite, Abu Bakr Omar, radiyallahu anhuma, ils ont appuyé l'avis de ce compagnon qui avait vu juste, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en direction de la Qibla, ou plutôt s'est levé, accompli les deux rak'ah qu'il avait oubliés, et ensuite il a ramené la prostration de distraction, après quoi? Après le taslim. Donc ceci nous prouve qu'il l'a ramené. De toute façon, le pilier, tu peux que le ramener, sinon ta prière allait battre là, comme on a pu le voir au début du résumé. Kazalika, j'aurais voulu attirer vos attentions par rapport à un frère m'a fait part de Zawallah Khairan. Dans le cours numéro 6 ou 7, j'ai oublié, à la Kullahal, dans Siyam, dans le livre qu'on a pu voir de Sheikh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, le chapitre de Siyam, j'ai évoqué un moment le sujet de rattraper, ou plutôt de faire suivre les 6 jours de Shawwal après Ramadan, après l'accomplissement de Ramadan, et le frère m'a fait part, j'ai pas eu le temps de revenir sur l'audio, il m'a fait part que j'avais dit dans l'audio que il est préférable de faire suivre directement les 6 jours de Shawwal, même si jamais tu n'avais pas, ou plutôt la personne qui avait une excuse et qui n'a pas jeûné pendant les jours de Ramadan, et bien qu'il fasse précéder l'accomplissement des 6 jours de Shawwal et ensuite il rattrape les jours qu'il a rattrapés. Donc cet avis-là, Inch'Allah, ça c'est pas préférable de le faire. T'as le droit de le faire, laquelle ce qui est préférable, donc je reviens sur ce que j'avais dit, ce qui est préférable c'est de faire suivre les 6 jours de Shawwal, de les faire suivre, si jamais tu as accompli le mois de Ramadan, si jamais tu as totalement accompli le mois de Ramadan, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadan, celui qui a jeûné à Ramadan. Donc celui qui restait 2-3 jours à jeûner, il n'a pas encore jeûné la totalité de Ramadan. Donc il doit ramener ces 2 jours-là qu'il n'a pas fait, et ensuite, après cela, Inch'Allah, il rattrape et fait suivre cela par les 6 jours de Shawwal. Il fait suivre cela par 6 jours de Shawwal, lakin, à l'exception de la personne, wayyakum, à l'exception de la personne qui, maintenant, a beaucoup de jours rattrapés. Prenons le cas d'une personne qui était gravement malade pendant le mois de Ramadan, il a loupé, on va dire, il a loupé la totalité du mois de Ramadan. Cette personne-là, il doit la rattraper. C'est-à-dire que maintenant, si jamais il fait suivre directement, et après l'Aïd, on va dire, après l'Aïd, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que sa santé s'est assainie. Donc cette personne-là, il a deux choix. Soit il rattrape directement les jours de Ramadan, c'est-à-dire que ensuite il va rentrer dans le mois qui s'appelle Dhul-Qa'dah, donc il ne pourra pas faire suivre les six jours de Shawwal. Donc dans ce cas-là, si jamais il a une quantité de jours qui vont faire, si jamais il venait à les rattraper, il ne peut pas jeûner les six jours de Shawwal, dans ce cas-là, il fait suivre directement les six jours de Shawwal, et ensuite, barakallahu fikum, ou il fait suivre une quantité de jours qui pourra le laisser jeûner au moins 6 jours dans Shawwal. Et ensuite, il rattrape ce qu'il a rattrapé dans Dhul-Qa'dah, afin que, inshallah tabaraka wa ta'ala, il puisse profiter de la sunnah. Profiter de la sunnah. Wafikum barakallah. Kazalika, parmi les choses qui est bon d'évoquer par rapport à ce jour de Sahou, donc à ajouter à ce qu'on a pu voir dans le cours précédent, c'est que ce jour de Sahou, c'est une prosternation de distraction qui est légiférée pour les prières dans lesquelles s'y trouvent des prosternations. C'est-à-dire que la prière, salat al-janaza, c'est une prière dans laquelle il n'y a pas de prosternation. Est-ce que si jamais la personne oublie dans sa prière, a une forte présomption, ou a ramené un ajout, ceci, cela, est-ce que il doit, cette personne-là, rajouter après, avant le taslim ou bien après le taslim, est-ce qu'il doit ramener sujoud as-sahw, la prosternation de distraction? Non, il ne doit pas la ramener parce que la prosternation de distraction, c'est pour les prières qui ont des prosternations. Les prières qui ont des prosternations, et ceci a été évoqué par l'imam Ishaq ibn Rahawi. Il a évoqué l'ijmer sur cela, que salat al-janaza, c'est une salat dans laquelle il n'y a pas de sujoud as-sahw. Il n'y a pas de prosternation de distraction. Parmi les choses aussi à ajouter dans ce sujet-là qui est la prostration de distraction, يعني الأشياء هناك أشياء إذا ساها فيها الإنسان لا بد أن يعود إليها. Il y a des choses, si jamais la personne a l'oubli dans la prière, il doit revenir. Il doit revenir, même si jamais il a oublié par inadvertance. Il ne peut pas se permettre de continuer. Il doit revenir directement sur le pilier qu'il a délaissé. Là, on parle des piliers. Les piliers dans la prière, ils se divisent en deux. Des piliers dont tu es obligé, à partir du moment où tu t'es rappelé, de revenir immédiatement sur le pilier que tu as délaissé. Et ça, c'est le cas de quoi? De Takbiratul Ihram. Celui qui a oublié Takbiratul Ihram pendant la prière, et s'est rappelé alors qu'il est en soujoud. Ça ne sert à rien qu'il continue. Ça ne sert à rien qu'il continue la deuxième prostration, il se lève directement. Et il fait takbirat al-ihram. Parce que takbirat al-ihram, c'est le takbir par lequel tu ouvres la salah. Et cette personne-là n'a pas fait. C'est-à-dire que tous les mouvements qu'il a fait, qu'il pensait dans lesquels il était en salah, en vérité, il n'était pas en état de prière. Donc il doit revenir pour faire ce takbir, pour pouvoir entrer dans la prière. Même si jamais il est dans le sujoud. Il se lève directement à partir du moment où il s'est rappelé, il se lève, et l'unité de prière qu'il aura fait, elle sera nulle et annulée, caduque. Et ensuite, il doit ramener... Pour cela, quoi? La takbiratul ihram, afin de pouvoir rentrer dans la prière, et à la fin, il doit ramener la prosternation de distraction. Tamam? À quel moment il doit la ramener? Il doit la ramener après le sujoud de sahou, parce qu'il a oublié, et ça c'est un oubli dans quoi? Un oubli dans un pilier, comme on a pu le voir, dans le hadith de Zuliyadein, Nabi Sallam, il l'a ramené après quoi? La prosternation après le taslim. Tamam? Quant à la personne qui a oublié un pilier, et ensuite, il s'est rappelé un pli autre que Takbirat al-Ihram, que ce soit Ruku', que ce soit Sujoud, il a khiri, parmi les piliers qu'on a pu voir. Et ensuite, il s'est rappelé qu'il a oublié de ramener ce pli-là dans la deuxième unité de prière. Dans ce cas-là, l'unité de prière dans laquelle il a laissé ce pli-là, elle est caduque, elle est annulée, car comme on a pu voir, le fait de délaisser un pilier, que ce soit par inadvertance ou bien que tu l'aies fait volontairement, ça annule ta prière. Ça annule, quoi que ce soit, ça annule ta prière. Donc là, l'unité de prière dans laquelle il est, elle va prendre l'emplacement de l'unité de prière dans laquelle il a oublié ce pilier-là. La personne, mathalan, qui a prié dans la première unité de prière, elle a oublié la deuxième prostration. Il s'est levé directement et il a entamé la deuxième unité de prière. Lorsqu'il arrive au rukou, il s'est rappelé qu'au fait, dans la première unité de prière, il avait fait quoi ? Qu'une prostration. Donc cette prostration-là, plutôt l'unité de la première unité, elle est annulée et il poursuit sa prière en plaçant la deuxième unité de prière dans laquelle il était comme la première unité de prière, car la première est annulée, car il a oublié un pilier parmi les piliers de la prière. Deuxième cas, là on a parlé le cas dans lequel il a oublié le pilier et il est rentré dans une autre unité de prière. Si jamais maintenant la personne qui a oublié un pilier dans une unité de prière et se trouve toujours, il s'est rappelé de cet oubli-là, et cette personne-là se trouve toujours dans cette même unité de prière, que doit-il faire ? Son cas se divise en trois situations. Si jamais il s'est rappelé, si jamais il s'est rappelé de cela avant qu'il s'est levé, on va prendre le cas de celui qui a quoi ? Qui a oublié la deuxième prosternation, dans la première unité de prière, on va dire. Il commence à se lever pour aller à la deuxième unité de prière. Il n'est pas tout à fait debout. Si jamais à partir de ce moment-là, il s'est rappelé, il redescend. Il redescend et il ramène cette prosternation qu'il a oubliée, ou bien le pilier qu'il a oublié, que ce soit un rukou' ou l'akhiri, il le ramène et ensuite à la fin, inchallah, de la prière, il se prosterne de deux prosternations après le taslim. Si jamais il se rappelle qu'il a oublié ce pilier-là alors qu'il est debout. Voilà, le premier cas, c'était si jamais il s'est rappelé avant d'être totalement debout. Là, il est totalement debout. Il n'a pas commencé à lire. Les ulama, ils ont divergé dans cette mas'ala-là. Certains des ulama, ils ont dit que dans ce cas-là, il a la capacité de pouvoir revenir. Lakin al-Sahih, c'est qu'il n'a pas la capacité de pouvoir revenir et il doit poursuivre la prière et mettre l'unité de prière dans laquelle il s'est levé. Il la met à la place de cette unité de prière dans laquelle il a délaissé, ou plutôt il a oublié ce pilier-là. Donc, la première unité de prière, elle devient nulle et l'unité de prière dans laquelle il est, ça devient la première unité de prière, ou bien elle va venir remplacer l'unité de prière dans laquelle il a oublié ce pilier-là. Ça, c'est la vie qui est prépondérant et qui est juste, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Car le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, lorsqu'il a oublié, barakallahu fikum, de ramener le tashahhud dans la prière, les sahaba, comme cela a été évoqué dans le hadith de Abdullah ibn Buhaynata radiyallahu ta'ala anhu, selon l'imam Ibn Hibban et authentifié par Cheikh Muqbil alayhi rahmatullah, les sahaba, ils lui ont fait comprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait oublié une chose dans la prière. Ils ont fait le tasbih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré cela, il a continué sa prière là. Après qu'il a achevé la prière, il leur a dit hadhihi sunnah. Yani, ceci est une sunnah, c'est-à-dire lorsque tu oublies une obligation, ou tu oublies une chose, à partir du moment où tu t'es mis totalement debout, et bien là, tu n'as pas la capacité de pouvoir revenir sur ces choses-là que tu as délaissées. Lakin, tu poursuis ta prière et l'unité de prière dans laquelle tu as oublié ce pilier-là ou autre, et bien cette unité de prière va prendre l'emplacement de l'autre. Et kazalika, et mimbab awla, si jamais la personne elle a commencé à lire. Parce que certains de ulama ont fait une différence entre le fait d'être debout et d'avoir commencé à lire, avoir débuté la lecture, et d'être debout et de ne pas avoir débuté la lecture. Lakin, à partir du moment que la personne s'est mise totalement debout, elle n'a pas la capacité de revenir. Et l'unité de prière dans laquelle il a délaissé ce pilier-là, elle devient caduque. Et l'unité de prière dans laquelle il s'est levé, elle prendra la place de l'unité de prière dans laquelle il a oublié ce pilier-là. Ça, c'est parmi les choses qu'il était bon d'évoquer. Et si c'est une obligation, comme il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, non, ça n'annule pas, comme on a pu voir. L'unité de prière n'est pas annulée, comme on a pu voir. L'obligation, Inch'Allah, si jamais elle a été oubliée par oubli, par plutôt inadvertance, il n'a pas fait exprès, c'est involontaire, comme on a pu le voir, et ben ça ne va pas annuler ta prière. Lakin al-khilaf, c'est la personne qui délaisse une obligation volontairement, comme on a pu le voir, c'est très proche que sa prière soit annulée, comme on a pu voir à travers la parole de Cheikh al-Azaymin, rahimahullah ta'ala, kadhalika parmi les hadiths et parmi les ayats qui prouvent cela. Donc, na'am. Et rappelez-moi, parce qu'on m'a fait une remarque, c'est que des fois je lis pas à voix haute les questions que vous me posez et je réponds directement, ce qui fait que les auditeurs qui ne suivent pas directement sur le site, plutôt sur le logiciel, ils ne connaissent pas la question. Donc rappelez-moi, parce que je suis une personne qui oublie ce genre de choses-là. Donc tu as dit, si jamais c'est une obligation et pas un pilier, l'unité de prière est-elle annulée aussi? Donc comme on a pu répondre, non, c'est annulé pas, parce que l'obligation, lorsqu'elle est faite involontairement, ça n'annule pas la prière, comme on a pu le voir au début de la prière, au début du résumé plutôt. Inch'Allah, on va lire un petit peu. Mais par contre, il ne revient pas non plus. Non, il ne revient pas. Il ne revient pas. Comme on a pu le voir, Tachahout, Nabi Sassan, il n'est pas revenu dessus. Si jamais tu es encore dans le moment, dans la phase de pouvoir le rattraper, plutôt pouvoir le ramener, c'est la personne qui est en recours. Ou plutôt la personne qui est debout qui va dans le recours. Pour aller en recours, il faut qu'il fasse quoi? Takbir atouesh, al-intiqal. Il faut qu'il dise Allahu Akbar et il lève ses mains. La personne qui a commencé à peine à incliner son dos pour aller en recours, lakin, il a oublié de faire ça. Il peut revenir à ce moment-là, il a oublié de faire le takbir et kazalika de lever la main. Ce qui est obligé, c'est quoi? De faire takbir. Avec lever la main, comme on peut voir, c'est une chose qui est recommandée. Il a oublié de faire takbir, de lever sa voix et dire Allahu Akbar. Si jamais c'est un imam. Il a à peine commencé à baisser son dos, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait takbir. Il revient, puisqu'il n'est jamais trop tard. Il revient, et dans ce cas-là, il fait takbir et ensuite il continue. Donc, Inch'Allah, on va lire un petit peu, Inch'Allah, histoire d'avancer. Et ce qui va suivre, Inch'Allah, ça va être simple. À part le qunut, il y a un petit khilaf. Sinon, ce qui va venir après, Inch'Allah, c'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple et il y a peu de divergences. En espérant qu'Inch'Allah, en 3 ou 4 cours, on puisse y aller conclure, Inch'Allah, ce chapitre-là, cet épître-là, de la prière. Laquelle on va lire un peu, Inch'Allah, wa tabaraka wa ta'ala. Qala rahmahullahu tabaraka wa ta'ala. Wa yaqra'uhu sirran. Il nous dit, Cheikh Al-Albani, que là on est dans Siratu Tashahud, wa du'a ba'da. Il nous dit, Cheikh Al-Albani, donc on est dans le chapitre, ou plutôt, dans le bab, dans lequel il est évoqué les formules qui doivent être dites pendant Tashahud et les du'a qui sont évoquées kazalika dans ce moment-là. Cheikh Al-Albani nous dit que ces formules qui sont évoquées pendant Tashahud, elles doivent être faites à voix basse. Et l'avis qu'il a évoqué, c'est un avis qui est juste. C'est un avis qui est juste, car Tashahud, il n'est pas d'exemple d'être une du'a. Et comme on a pu voir, la base dans la vocation, c'est qu'elle soit faite à voix basse. قال الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. Invoquez Allah Azza wa Jal par humiliation et discrétion. Par humiliation et discrétion. Et comme on a pu voir كذلك à travers la parole du Cheikh l'imam plutôt Al-Shafi'i alayhi rahmatullah, c'est que le premier palier de discrétion dans la prière, c'est de te faire que tu te fasses toi-même entendre. Que tu te fasses toi-même entendre. C'est-à-dire que celui qui fait cela d'une manière que ses lèvres ne bougent pas, d'une parole qui est intérieure, ça, c'est khilaf sunnah. C'est khilaf sunnah. Car il faut que tu le fasses de manière discrète, c'est-à-dire pas en mode muet, lakin, il faut que tu le fasses de manière que tu te fasses toi-même entendre. Ça, on a pu le voir, Inch'Allah, lorsqu'on avait évoqué, j'avais oublié, si aucun autre bruit ne gêne, d'entendre, n'empêche. Naam. Mais si aucun autre bruit n'empêche de s'entendre. Et si jamais, comme tu pries tout seul, il faut que tu te fasses quand même entendre. C'est-à-dire que il faut qu'il y a un son qui sorte. Il faut qu'il y ait un son qui sorte. Ah, mais le fait de garder le silence, ça c'est khilaf sunnah. C'est khilaf sunnah. Inch'Allah, on va évoquer quelques formules qui doivent être dites. Ou peut-être on va lire avant tout. Et avant cela, Al-Hassan al-Basri, si mes souvenirs sont bons, il a évoqué que As-Salaf, il voyait que c'était vraiment détestable d'élever la voix pendant les invocations. Pendant les invocations, comme l'a évoqué l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, au sujet de l'aïa que j'ai pu lire précédemment. Au sujet de l'aïa que j'ai lu précédemment, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufya wa dun al-jahri min al-qawl » Donc, évoque Allah Azza wa Jal en toi-même par humilité et discrétion sans élever la voix. Donc, il ne faut pas élever la voix, ceci est contraire au adab et à la conduite, au comportement qui doit être observé pendant l'invocation et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala. Donc, c'est préférable de faire cela. Il n'y a pas, c'est pas une obligation. Et c'est dit, kazal est un pilier. Lakin, c'est recommandé de faire preuve de discrétion lorsque tu évoques ces genres de formules de tashahhud. قال رحمه الله تعالى وصيغته أي صيغة تشهد c'est-à-dire la formule de تشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله صالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شيخ الألباني nous a évoqué une formule parmi les formules de التشهد. Et celle-ci a été rapportée par Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alayh. Et cette formule-là, elle est la formule qu'ont préféré les ulama, qu'elle soit évoquée pendant la prière, pendant at-tashahhud. Lakin, comme l'a dit Cheikh Muhammad ibn Hizam, hafizahullahu ta'ala, à partir du moment que, comme on va le voir, il y a plusieurs manières de pouvoir évoquer at-tashahhud, il y a six formules qui ont été évoquées pour cela. Laquelle, à partir du moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à sa communauté et a varié dans cela, donc le fait de varier kazalika, ça fait partie de la sunnah. Donc ne pas marquer, ou plutôt ne pas observer qu'une seule manière d'évoquer tashahhud pendant la prière, laquelle celui qui a la capacité de pouvoir apprendre d'autres formules de tashahhud, c'est bien pour lui de varier. Donc il apprend d'autres formules afin de pouvoir varier. Laquelle la plus authentique et la plus répandue, c'est celle qu'a évoquée Cheikh rahimahullah ta'ala dans l'épître. Et cette formule a été rapportée par Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Avant d'évoquer les autres formules, il est bon de marquer un temps d'arrêt afin de comprendre les termes qui ont été évoqués dans cette formule-là qu'on a pu lire, qui est présente dans l'épître, dans laquelle il est dit At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat, c'est le pluriel de At-tahiyya, le salut. Et ce qui est voulu par là, c'est toutes formules de glorification qui sont évoquées et qui sont plutôt adressées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, que ce soit par les gestes ou bien par la parole, comme on a pu le voir. Glorifier Allah Azza wa Jal à travers la parole de Cheikh Al-Usaymin, rahimahullah ta'ala, comme j'ai pu vous faire part dans le rukou. Glorifier Allah Azza wa Jal, c'est le glorifier par la langue et kazalika par les membres, c'est-à-dire par le rukou. Donc, At-Tahiyyat, ça englobe, yani, toutes ces choses-là dans lesquelles il est marqué, il est observé cette marque de glorification pour Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit par les paroles ou bien que ce soit par quoi? Par les actes, que ce soit par le rukou et l'akhirihi. والصلوات il est dit, donc salawat c'est ma'rouf, c'est la prière, laquelle il est dit que ce qui est voulu par là, salawat, qui sont voués à Allah Azza wa Jal, ce sont les du'as. Car, kazalika, parmi les sens de salah, c'est quoi? Ad-du'a. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa salli alayhim, khuz min amwalihim sadaqatan, tutahhiruhum, wa tuzakihim biha, wa salli alayhim, inna salataka sakanun lahum. Allah Azza wa Jal, dans ce verset-là, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, lorsqu'il a récolté, ou plutôt pris la zakat des personnes qui sont redevables de donner la zakat, il lui a ordonné de prier sur eux, c'est-à-dire de faire quoi? De leur faire des do'as. De leur faire des do'as. Wa salli alayhi. Ce qui est voulu par là, c'est pas qu'il fasse deux unités de prière pour ces personnes-là, mais qu'il fasse des invocations pour ces personnes-là. Donc ce qui est voulu là, c'est global, c'est plutôt un sens qui est large, Donc salawat, c'est les prières, les cinq, plutôt toutes les prières qui sont voies à Allah Azzawajal, même les prières qui sont ma'roufa, dans lesquelles il y a des prosternations et des al-ruku', kazalika, ce qui évolue, c'est al-du'a. Donc les du'a et kazalika, as-salawat, sont voués à Allah Azzawajal. Wa qala wa tayyibat. At-tayyibat, ça a été expliqué par quoi? Par les belles paroles. C'est le pluriel de tayyibah, et ce qui est voulu par là, c'est les belles paroles et les belles œuvres qui sont vouées à Allah Azzawajal. Tamam? Inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala est bon et n'accepte que le bon. C'est-à-dire parmi les paroles et parmi les actes. Ilayhi yashadu al-kalim tayyibu wa al-amalu salih wa yarfa'u. Yani vers lui, le bon est élevé et il accepte Allah subhanahu wa ta'ala les bonnes œuvres. Donc ce qui est voulu par là, at-tayyibat, c'est les bonnes paroles et les bons actes qui sont voués à Allah azza wa jalla. Wassalamu ala nabi, c'est le fait de dire assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Et le fait de dire assalam, c'est quoi? C'est pas seulement, ou bien comme yani, les personnes de la masse sont un peu habituées, l'équivalent de bonjour ou bien etc. Quand tu dis salam, c'est que tu es en train de faire par là une dua à ton frère, car Allah subhanahu wa ta'ala l'épargne. Car assalam, c'est le salut. Donc tu veux que le salut soit sur lui, c'est-à-dire qu'il soit épargné de tout ce qui va le nuire dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc il faut se remémorer ces choses-là lorsqu'on dit assalamu alaikum, yani à n'importe quelle personne, et surtout lorsqu'on le dit au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Tamam? C'est que tu demandes qu'Allah azza wa jalla il épargne de tout ce qui peut le nuire. Tamam? Donc c'est une dua. Il est bon d'évoquer à ce sujet-là une divergence qui est connue peut-être, inch'Allah, auprès de vous. C'est, est-ce que tu as le droit de dire lorsque tu arrives à ce moment-là, lorsque tu dis assalamu alayka ayyuhan nabi, ou bien tu dis assalamu alayn nabi wa rahmatullahi wa barakatuh? Est-ce que tu dis assalamu alayn nabi, ou bien est-ce que tu dis assalamu alayk, yani tu portes un discours? Les savants, ils ont divergé à ce sujet-là. Une grande majorité de sahaba, comme l'a évoqué Ata, comme l'a nous l'a fait par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, qu'une partie d'entre les sahaba, une grande partie d'entre eux, ils évoquaient après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils étaient dans tashahhud, en disant assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, sans dire assalamu alayka ayyuhan nabi. Lorsqu'ils ont argumenté cela en disant que au vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient l'habitude de dire cela, assalamu alayka, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il disait assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ça a été évoqué par Ibn Mas'ud, wa kadhalika Aisha, et comme on a pu l'évoquer, Ata, il a évoqué que kana sahaba yaquluna hakadha. Lakin la parole qu'il a dit kana sahaba, ça veut pas dire l'unanimité et la totalité des sahaba. Car comme ça a été authentifié par l'imam Malik alayhi rahmatullah dans son Muwatta, que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, au cours de son calife, de son khilafa, il apprenait et enseignait les gens à dire, alors qu'il était sur le minbar, à dire dans At-Tashahhud assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Et il enseignait cette chose-là, c'est-à-dire de porter le discours comme An-Nabi sallam il leur a enseigné pendant son vivant, à le faire kadhalika après sa mort. Et il a dit cela parmi la présence d'une partie de sahaba. Et aucun de ces sahaba, ils ont réprimandé cela et critiqué ce qu'avait pu évoquer Omar radiyallahu ta'ala anhu. Donc ce qui paraît plus juste, c'est de se contenter de ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, ou plutôt a enseigné à sa communauté pendant sa vie, pendant son vivant, c'est-à-dire de dire assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Car on peut peut-être juger de la parole de ces sahaba, ceux qui ont dit qu'il faut dire assalamu alayn nabi, que c'est un effort d'interprétation. Car d'autres sahaba, ils ont contredit cette parole-là, comme c'est le cas de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, sous la présence de plusieurs des sahaba. Donc le fait qu'il a Omar préservé et continué à dire ce qu'il disait pendant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose qu'il a renseignée, ceci nous prouve que peut-être que c'est une chose qui découle d'un effort d'interprétation de ces sahaba. Donc, wallahu alam, le fait de se contenter de dire ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseigne à sa communauté est plus juste, inshallah, c'est-à-dire de dire assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, et non de dire assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakin celui qui dit salamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, inshallah, la haraj alayh, car certains de sahaba, et comme l'a pu l'évoquer Ata radiyallahu ta'ala anhu, une grande partie, ou plutôt une partie de sahaba, comme c'est le cas d'Aïcha ibn Mas'ud, ils l'ont dit. Donc il ne faut pas avoir de la dureté et de l'hostilité dans ce genre de sujet-là. Lakin celui qui le dit, inshallah, on le conseille. Et si jamais il voit que pour lui c'est mieux, certains des sahaba, ils l'ont précédé. Donc inshallah, il n'y a pas à avoir d'hostilité dans ces genres de sujets-là. Lakin at-tanasuh wat-tahab, kama kana yaqul al-imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, ala yastaqim an nakuna ikhwanan wa ikhtalafna fi mas'ala. N'est-il pas possible que la fraternité entre toi et moi soit préservée, même si jamais on diverge dans un sujet d'interprétation diverse, tamam. Donc ceci nous prouve qu'il faut faire preuve de douceur et preuve de compréhension et de conseil dans ces genres de situations-là, et de ne pas directement pencher vers le tabdir ou bien le tafsir, ou bien de parler en mal de ton frère parce qu'il n'a pas pris ton avis, tamam. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله ان شاء الله تبارك وتعالى ان شاء الله on va poursuivre cela pour une prochaine fois, et en espérant qu'Allah عز وجل nous facilite de pouvoir conclure inshallah cet épître là en 3 ou 4 cours inshallah تبارك وتعالى. Ce qui va suivre après, ça va être vraiment rapide. Ça va vraiment rapide. Wa fikum barakallah. Inch'Allah, s'il y a des questions, c'est là, on se quitte sur cela. Inch'Allah, on se contente de cela. Barakallah fikum. Wa nafa'allahu bina wa bikum. Wassalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallah. Ma'a tahiyyati dammaj. Afar.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum nar. Al-hadar min ar-rukun إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.